redoutant ce que je désirais, jusqu'à chercher quelquefois tout de bon dans ma tête quelque honnête moyen d'éviter d'être heureux. Qu'on se représente, mon tempérament ardent et lascif, mon sang enflammé, mon cœur enivré d'amour, ma vigueur, ma santé, mon âge. Qu'on pense que dans cet état, altéré de la soif des femmes, je n'avais encore approché d'aucune. Que l'imagination, le besoin, la vanité, la curiosité se réunissaient pour me dévorer de l'ardent désir d'être homme et de le paraître. Qu'on ajoute surtout, car c'est ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, que mon vif et tendre attachement pour elle, loin de s'attiédir, n'avait fait qu'augmenter de jour en jour, que je n'étais bien qu'auprès d'elle, que je ne m'en éloignais que pour y penser, que j'avais le cœur plein non seulement de ses bontés, de son caractère aimable, mais de son sexe, de sa figure, de sa personne, d'elle, en un mot, par tous les rapports sous lesquels elle pouvait m'être chère. Et qu'on n'imagine pas que, pour 10 ou 12 ans que j'avais de moins qu'elle, elle fût vieillie ou me parut l'être. Depuis 5 ou 6 ans que j'avais éprouvé des transports si doux à sa première vue, elle était réellement très peu changée, et ne me le paraissait point du tout. Elle a toujours été charmante pour moi, et l'était encore pour tout le monde. Sa taille seule avait pris un peu plus de rondeur. Du reste, c'était le même œil, le même teint, le même sein, les mêmes traits, les mêmes beaux cheveux blonds, la même gaieté, tout, jusqu'à la même voix, cette voix argentée de la jeunesse, qui fit toujours sur moi tant d'impression, qu'encore aujourd'hui, je ne puis entendre sans émotion le son d'une jolie voix de fille. Naturellement, ce que j'avais à craindre dans l'attente de la possession d'une personne si chérie était de l'anticiper et de ne pouvoir assez gouverner mes désirs et mon imagination pour rester maître de moi-même. On verra que, dans un âge avancé, la seule idée de quelque légère faveur qui m'attendait près de la personne aimée allumait mon sang à tel point qu'il m'était impossible de faire impunément le court trajet qui me séparait d'elle. Comment, par quel prodige, dans la fleur de ma jeunesse, eus-je si peu d'empressement pour la première jouissance? Comment pus-je en voir approcher l'heure avec plus de peine que de plaisir? Comment, au lieu des délices qui devaient m'enivrer, sentais-je presque de la répugnance et des craintes? Il n'y a point à douter que si j'avais pu me dérober à mon bonheur avec bienséance, je ne l'eusse fait de tout mon cœur. J'ai promis des bizarreries dans l'histoire de mon attachement pour elle. En voilà sûrement une à laquelle on ne s'attendait pas. Le lecteur, déjà révolté, juge qu'étant possédée par un autre homme, elle se dégradait à mes yeux en se partageant, et qu'un sentiment de mésestime attiédissait ceux qu'elle m'avait inspirés. Il se trompe. Ce partage, il est vrai, me faisait une cruelle peine, tant par une délicatesse fort naturelle que parce qu'en effet je le trouvais peu digne d'elle et de moi. Mais quant à mes sentiments pour elle, ils ne les altéraient point, et je peux jurer que jamais je ne l'aimais plus tendrement que quand je désirais si peu la posséder. Je connaissais trop son cœur chaste et son tempérament de glace pour croire un moment que le plaisir des sens eût aucune part à cet abandon d'elle-même. J'étais parfaitement sûre que le seul soin de m'arracher à des dangers autrement presque inévitables et de me conserver tout entier à moi et à mes devoirs lui en faisait enfreindre un qu'elle ne regardait pas du même œil que les autres femmes. Comme il sera dit ci-après. Je la plaignais et je me plaignais. J'aurais voulu lui dire « Non, maman, il n'est pas nécessaire. Je vous réponds de moi sans cela. » Mais je n'osais, premièrement parce que ce n'était pas une chose à dire, et puis parce qu'au fond, je sentais que cela n'était pas vrai. Et qu'en effet, il n'y avait qu'une femme qui pût me garantir des autres femmes et me mettre à l'épreuve des tentations.